li moy moy mané par exemple man ma am sama dom makoy maye suma nexé ma bañ ko ma jox manam ciiru maye gi mané au lieu que ma maye ko légui damay wo par exemple Serigne Fallou ni ko yow nak sama dom ji dama bëgg nga mayel mako bayel mako han voilà manam wa wala même budul baye la sax manam comme ni événement bi mi ngi ni rek mama xol rek kenn ci bir mbolo bi wala keneen maniko jël comme nga maye ko xépp teranga gogou dongu la mais du cieur nan ay bu baye ki dañuy dem di jaay je koy maye di jaay amul ki dara amul ci mais dara a moins que frère amul fi sœur ki manam dom amul frère amul mam amul papa amul kenn amul di jaay am wa xana lolou kaadu figure yoy hein wa manam moy bu côté baye yépp jéxé ci goor ci la côté voilà côté yaay ji dooga ñew té côté yaay ji sax mam bi mom mo jitu ndi jaay ji mam bu ah wa do bu goor mën na may yaay ah wa bo moy doon kilifa and ak ni moko jur amna kuy ki fele xam nga dafa am wa xaar bal lolou mota baye xel la dafa ni est ce bu fekk tane waaj dafa genn aduna bu fere baye wu fi alal du tout mais mu baye fi ay bor ndax ni ko wara doon ñom ñoy fay bor wa solo comme ni nga xam tane bu fi baye won dara non lañ koy doone non lañu doone bor yi aussi solo xaj bok ba bari dafa am lo xamanteni lool aila la tuddu bokku way luma da baye xel la parce que lool non aila moy comme tay par exemple nit ñi dafa am ko xamanteni xeyna dafa ray nit tay ko wala yoy non wala ay wala dag loxo nit wala tour beutam wala yu mel non nga xamne indemnisation dafa cher bu boba dañuy de mo xamuko mais dañuy mobiliser dañuy nan lañ ko tuddé amna ñu ko tuddé moy ni policier def buñ bëggé dem ci kër jambour perquisitionné dañuy perquisitionné famille bi yépp par force ñu dimbali waaji pour mu fay affaire bi en fait amuñu choix ñom dédé amul nan non man bu mo ce son affaire ça le regarde ce son problème mo doon ji mo accidenté nang dédé ah voilà si dañ lan di perquisitionné par force ñu fay affaire bra wa mi lool moy taxal lool la lool wax sank ne yoy moy taxal ay touru famille ken duko laal bu fekkentene affaire bi amul nenen lu benn solution lu dul laal ko dang koy laalal non mais par exemple tay bu fekkentene paa bi dafa genn aduna bayina fi ay jabar ak dom amna fofu tam benen affaire bu erreur bu faral di am ci mirage mbiri du par exemple diwe ki domam ñom li lañuy doon diwe ki domam lo amul jabar yi ño am cieur dom yi am cieur papa yi am cieur yaay yi am cieur lool mo am manam amul par exemple ne waaw comme keur bi comme mom ñaari jabar la amone legi diwe ki domam ñoy doon na nangam diwe ki domam doon na nangam lool amuti donc yoy parce que xam nga manam sérieux woutul ben discrimination bu am manam comme ñun niñ koy xalaté suñu bop yi manam xéetu wujjé gogou nga xamné ñi ak ki yo ñi ay demi frère lañ ñi ay non sérieux limu xam moy doomi waji la xam xamul ay ñen ñoy demi frère ak ñu dul demi frère mom doom waji lay wax ak ay jabari waji yexna jabari ñoy sé do nangam comme dañu am ay dom 1/8 lañu jëf c'est ça manam bir mi non lay dem donc légui keuru bu fekkentene pa bi dafa genn aduna ñu wara def mirage ñi nga xamantene ñom ñoo bokk ci famille bi manam ñom ñoy xol ñu par exemple ñun kat pa bi kat bayyi na fi nangami bor te bor yoy buñ ko fayul dañuy jënd kër gi dañ koy jaay obligé parce que kër gi ci lañu wara fayé bor yu kon parce que loolu la fi bayyi ci alam mais légui ñom mën nañu solution né lañ xol kër gi ñaata la nangam kenn ci seen biir daal ni man dina fay nangam ci bor bi kinn na fay nangam ñu seen do affaire après buñ paré ñu xol kër gi parce que kër gi nak par contre duñ ko fi bayyi duñ ko bayyi non même bu dé ñepp ci deuk il faut mu am ci tour ku wéné mënu ñu ko bayyi non nak ñepp deuk ci ñu nan kër pa bi la won parce que il faut mu am ci tour ku wéné mu am responsabilité manam ki dé amatul dara manam li ñu wara xam moy ki dé mom momatul dara légui ñoom buñu d'accordou légui kenn ci ñoom def ci tour est-ce que ñoom ñepp duñ def seen tour dëra dañ koy jaay kene da ko rulé ñoom bu ma tuddi nek sama rakku frère wala sama rakku sœur non mais xam nga obligé de toute façon ben affaire amna ku bëggul jënd bokku ci affaire xam nga amna ño xam dañ ñoom dañ nan non man nañ ma jox sama xaaliss mais dañuy évaluer kër gi xol tay bu ñu rasé affaire bi ñaata lay am ñu jënd xaaliss bu jox ko mu dem yoon lool c'est simple léne tamit amna cadre figure yu mën présenté wu moy ñun kat gis nañ ni kër gi kat ki mo fi gëna tuuti ñun ñi ñëpp tabarkala kenn ku nekk am nga su lo momal sa bop mom moko fi amul mais nañ ko ko may suñu wal may nañ ko lool mën na né han wa non mais nak attention am nañ ko mëna wa voilà parfois tamit ki mag voilà amul tamit comme les sénégalais yo nan comme ki mag koy jël ak lool amul han ñom ñepp ci yam ñoy am ay droit ki mag mom moy ça ne veut strictement rien dire ci droit wa am ni ko ngi ci non question mais l'islam mom nekul won di occupé wu affaire doom bay mom limu occupé wu lolou la lay wax sax la sharia bi amul ne ñi ñoy ay doomu bay lañ ñi dun ay doomu bay lolou sharia amul sharia limu am moy ñi ay doomi waji lañ jeex na ah wa mais lolou nak li après xam nga lolou mom motax aussi xam nga benen lolou tamit day soulever benen question moy tout est lié affaire tamit yar la parce que nit tamit attention hein bu fekkante ni yarul won njabotam bi mu nekké parce que ñu bëré tamit dañuy def erreur bob rawati na ci ñi nga xamné ñom ñoy yëngu ci affaire du diné joy ñoñu daf ci bare ba nga xamanté dafa yim moy da ngay gis ci ko xamanté la dafa wara yar ay domam ci diiné mais mu di len sétane manam ba ñooñu ñu pire sax ñi xamé ñom diiné musul bok ci seen ciossam mais lolu après buñ amé problème mais mom mo créé problème ya ay problème mo ko créé manam mo créé kenen créé wu ko parce que bu fekkante ne parce que nit ku nek tamit ben affaire tamit amna moy nit ki bu také bu fekké dafa jël responsabilité dak lu upp ben jabat mom mo wara am ay responsabilité aussi xam manam nit manam gérer len bo paré yar len keur gi réglé nit ñepp nek ben baña nek ay mais parce que xam nga affaire doom bay non bu pare yoyu question la yo xamantene xam nga le fait que ñu duggal ci xelu jigen ni que ni non xam nga nak bo wujé nangam bo démé kenn ku ci nekk di ñaax sa morom bu mu la manal dara defante ko mom na won ko ne ko ya ko man karawaté ko bu baax nangam wala yoyu lolu non si hein won ko ni nga mané nangam manam yow dès le départ rek def nañ ci sa xel ne len yeen da ngeen wara nek ay non après sen domi ngeen inculquer len lolu non lolu mom moy problème lolu nak question yu yar la lolu mom du question juridique question éducation kessel question éducation qu'est-ce que c'est wa famille yépp mel ñu non mais man suñu kër sama kër ñom yaay sama kër ñom yaay mais parfois bo bu duggé do xam kan mo jur kan la gaay yu bari ñu mag nañ dem nañ ba mag pour ñu xamé kan mo jur kan ci seen bi ci bir mère mais xamuñu ko ñu bari ñu nekk ci koñ bi ñu nekk ci koñ bi duñ xam kan mo jur ki xamuñu ko ba bari amuñu problème lu ci nit di xewle mais ñepp ci jax lu ci nit di def ñepp ci jax kenn ku ci nekk mën na jël n'importe qui ci ñoom yoon ni ko doxloko ben soxla n'importe lequel même nit ki mo dem ah oui man mi xamna kan mo jur kat parce que keur ga lay la non dama fa dan dem lu beuri quoi manam moy parce que et puis tamit bon comme ci keur gi la bok parce que dans en quelque sorte non en quelque sorte keur gi la bok mais man gisuma fa ben différence même ci bir muñu manam ci lepp dal amul ben différence mo ci xam wala bu gaay de wax affaire polygamie yi ni man bon man lolou gisuma ko xawmako wa ni de doone ci ben ki rek éducation wa doon bob momo koy doon mais du non mais xam nga du mën du doonu lepp même bu nekké ci mak la deug waxale non voilà même bu né mak la du doon lepp parti bi mi doon la légui tout temps dina am lu def lolou du def mom lañuy jox ku goor ku gëna jégg té ku goor ku gëna jégg dina am ba paré bu amul sax lolou buñ ko xamul comme nit ko xam dana dafa nek ko xam dana kenn xamul ko ben mbokk nangam mais dañ koy dox baytul mal moy trésor public Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Parce que si amul dom suñ ko bayiwul ba dom di juddu duñ manam a moins que xana lolou ñu juddu écho wa échographie Seydina Abubakar radiyallahu anhu bimu genn at lolou la def dafa ñew dafa genn at bimu genn at la dafa ni wala legi ki li la am sama ala jep ngeen ndoro gi ni lay dem da di koy teureul parce que xamna ni comme ñu genn at la mbir mi ni la wara dem ñene ko mais benn parti bi lan motax ñi am li ñu goor ñi am li te amna benen parti mune sa parce que diou sangam dafa muté domam bi gor la wa wa wa ku ñu mirage do tali lolu amana mën na nek parce que comme ni mu amé ci bor yi parce que xam nga mirage biñ koy def seigne fallu wax nako legi cadre fi condition moy de xagn fay bori lol bokk na ci condition ak après tamit amna benen ak benen bon yenen ñaar yu tudul benn bi mom moy wasiyat manam moy yi nga xamne mom moy testament bi ñu wëru ko bu fekkene tane yegul manam uppul 1 tiers wasiya manam donalis manam testament bi waru upp 1 tiers alal jim fi baye bu ko pé dañuy annuler testament non, testament bi kuy doon du ci bok benen bi ci dess mom moy il faut pas ki nek yefeur manam kenn ci ñom baña nek yefeur parce que yefeur julit bi du doon julit bi nit tay bu fekkene dafa tuub nek julit fekk ay waju rum mbokam doomam mi ki ñepp yefeur lañ bu déré kenn ko ci doon ci ñom ni ko non doon du doon kenn ci ñom ñepp ku ci dé du len doon buñ dé milliardaire mom nak alal jojju mom nako di fi muy close wu ci xel mi parti bobu nako dindi nako sectionner parce que alal jojju mom mum bokku ci voilà benen bi moy doomu ndialo tamit voilà doomu ndialo du donu bayam même bu fekente ne bayam moko jël yar ko nak parce que père biologique bi meun nañ ko xam mais sauf que sharia daf koy ter da sharia du ko prendre en compte manam légalement duñ ko prendre en compte même buñ xamé ni par exemple domam ki do moko jur nangam bo wa da koy téré yar ko ki ko et cetera topato ko nangam c'est pas parce que domu jallo le keun dañ koy sanni ci mbedd mi et cetera non mais da du doon rek doon bi mom du ko def ba par du jël santu bayam tamit manam buñ ko ko askalame am du jël santu bayam santu yayam lay jël du voilà exactement voilà mo meun na bok ci testament bi cependant meun na bok ci testament bi comme du don parce que ki dul don mo meuna bok mo meuna mais nak mais tamit munu ci bok bokinu comme si tay dañ ko don jox ci lolu tamit luma ta baye xel manam tay munu ñu ne comme par exemple buñu sey deulewone affaire bi xala bu nek 100000 francs lay am ci goor ñi jigen ñi am 50000 francs légui mom ñu def testament jox ko 100000 francs parce que lolu xétu ki la contourner loi bi la lolu xétu contourner loi bi la légui ci hein tali voilà tali bu fekkene bor bu fekkene nit ci par exemple dafa amé bor comme ni hadith abu qatada bi wax radiyallahu neena dafa am kenn ci ansari ko xamantene dafa di genn aduna ñu ñew ne dafa am ay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam laj dafa am ay bor mu ne waw mu ne kon nak julle len sen new abu qatada radiyallahu ne man maniko man yaruna bor yaruna mu ne ko bax bu daat koy julle ni ko julle ba pare mune chaque jour bu ma tassé yeen ci sa xam ndox mama est ko fay nga bor tous les jours fuñu tassé ci mbeddu medina yi fuñu mën tassé limay ñëk laaj moy wax est ko fay nga bor maniko dedet ba benn moment maniko waaw legi fay na ko mune ma al ana bari da jul dotu legi nak deram yaramam seddu légi nak yaramam sédna manam moy comme niko wolof di waxe yaramam talina lolou la wolof di wax nan deena talina ak yoy xet yoy la voilà manam kon comme que meuna nek ci côté bobu amana peut-être meuna nek tamit ci côté bu fek parce que en tout cas toñ gu ri la ni genn aduna alal di ñu jël ko rek tekko nonu ba bari jox ñuko ñi nga xamantene ñom ñoko mom parce que mom bi waji ba mu déwé la ñak alal bi momu du jé dara dara dara dara waxtu ben parole manam mais lolu du importantul parce que xam nga pour wax di am solo il faut que wax di bañu wuté sharia wax am mom pour ñu bayiko xew bu mu baña comme niñ ko xamé rek bu mu baña nek hors la loi bu fekké da wax di dafa nek hors la loi nan la koy bayé xal kenn duko bayé xal pour le testament wa amuy genn wa nit ki mom suusu alalam wa suusu alalam bala muy genn wa ke ci suusu mom amna droit ne par exemple li ak li ak li ak li la ci bëgg wa lool moy testament moy testament wa moy suusu diko wa wa suusu moy tiers wa legui tiers bi donc tiers bi ci la mën def lool bu tiers bi genné dot ci mën def lool wa dernière volonté. Mais voilà, dernière volonté. Voilà, lola. Voilà, dernière volonté, mais mon am moyen pour les testaments. Mais sous condition que vous devez acheter. Mais bu kenn jaay keur gi nak mom lolou du loi du ki wo mom mais meun nagn ko jox kon ki ndax ci domi kokku mu jënd ko mais sauf que kokku diko jënd warul dépendre aussi ci nek ki moma manam ki mak du ku mak mo koy jënd cependant amna ben affaire bu mata baye xel moy comme ni nga xamantene non lay ñew way li kat jël nañ ko nga xamantene ki ñew pour défar mirage bi ci jëmmi bopam manam moy ñew am ben parti bu muy jël tek néné mako mom dal di commencer mirage bi mi néné non tamit lolu lek alam jambour la ci tiaxal xam nga ben affaire par contre mën na né moy né man kat man ma la di teulal mirage bi cependant pour man ma def affaire bi def manam parce que dafa yam inventaire parce que lolu mirage dafa xaw compliqué touti ci walu gog parce que boko def inventaire alal yu ki lim fi baye ak bor yi ak testament yi def lepp ba bari xat mbir mi jox ko kenn ku ci nek limu mom lolu nonu bu moko bëgge def lolu daf may jëlal daf expertise la en fait ko wala comptabilité la quoi ak expertise do aussi legui lolu nonu da ngeen ma ci fay nangam lolu man na ne ñu xam liñ koy fay del départ suñ buggé ñu jël suñ buggul ñu bay wut keneen mais mënu ñu nak mom ci bopam mu ñew commencer xol ci alal waaji liko ci neex ak yi nga xamanteni xeyna ñom ñoko ci gën arrange mu diko jël ak yoy amna benen bir tam bu mata baye xel lay day fal day faral di mën nay faral di dal milieu diini ci dal manam mom moy comme par exemple tiri ci alal waaji la bok dañ koy donnalé dañ koy donnalé tamit ak yiri bu déwé duñ maye yiri nga wala ñu saraxé ko lepp dañ koy donn mais dañ koy donn parce que alal la alal la lepp lu alal waaj dañ ko wara donn wala ñu manam da wara dugg ci bor yi wala ñu donn ko wala et cetera wala et cetera aw alal waaj la mom yow ki mom moko bakoy maye ñepp ñoko bok maintenant ay benn affaire mën na am kenn ku ci nek ne bon man legui sama alal gis na li ma sama dono li la mais man mayena sama walu ci ndono man par exemple bo len sendele ndono le ba pare man sama walu mayena ko diw wala sama walu may lolu ku ko neex ku mu neex def ko parce que akku sa akku la sa droit la bu len nexe gaay yu da ne bon ñun ñep tamit ah xol nañ ba xol bo pa finalement amu fi won danaka dara limu amone moy keur gi bon nan ko may modou parce que modou mom moy gof bi nangam nangam et cetera dan ko koy may lolu ta bu len nexe ñu def ko waa bu baba buñ ko xese ba def bu ci kenn duggal ba diko ginaaw naan ala keur gi keur pa bi nawon ba bari ñi nga xamanteni duñ doon ñoom seen yoon teeku ci manam ñoom tamit bokku ñu ci xëccoo bi ñoom waru ñu fe ñew di xëccoo ak di teureli plan non ñoom bokku ñu ci waaw te ñoom bokku ñu ci duñu doon yalla ñala sax lay ko maye keur gi kenn ñu ko yow ya ko mom waaw mo ngi def turam ah turum lay dem wa legui mutation parce que dañ koy jël ci droit de mutation nak dañ koy jël ci alal bi pour man amité tour waji ci man amité keur gi tour waji wala det non mais yoy mom après yoy yi ñu jubo la rek parce que yoy mom après yi ñu jubo la rek kan moy jël parce que mënuñu ko jël ci alalu pa bi kiñ ko may wala mom moy xol lu muy dem jël du duggal ko ci keuram ak yoy Non. Alors que fofu lañ ko téré téré gogou boko xolé téré gi du téré wu ko téré kharam parce que fu ko do téré won téré kharam da fay wax né da fay manam fiñ ko téré téré kharam nak moy bu nit ki démé ba mu nekk né ci dernière phase bay waja dé fofu mom dañ koy téré téré kharam comme Seydina Abubakar wax radhiyallahu anhu dim maye keur gi sayyidat aisha radhiyallahu anha dem ba wara genn aduna dafa ne keur gogou nonu jeulat nako manam tol la ben tol mune jeulat nako parce que djugundiko woko utiliser wuloko te mayon nak ko avant en fi bashir radhiyallahu anhu dafa ñew jël keur gi may ko nu'man nu'man mo bashir radhiyallahu bim ko jëlé yannabi sallallahu alayhi wasallam ne ko mu ñew ne ko dama bëggoon nga sédel ma lolu mu ne ko est ce may nga yene ñi ci dess ñi xalé yu ci dess yépp lu melni mu ne dede mu ne demal nga sédel lako kenen parce que man duma sédel toñ demal nga sédel lako kenen man la ko te mu ne demal nga sédel lako kenen moy wanani quand même que mbir mom du voilà du lu haram voilà parce que bu do ne lu haram la da nan ko dedet lol da nga nut bang koy baye voilà legui legui le fait que mu baye lo mu baye ko lo ci situation bobu manam lui nak liko wouté bok ak yow ak ñun situation bi ñu wax moy fi fa bi ci bopam mom mo tan kenn ci doomam yi may ko dara alors que fe boromi ak yi ci sen bop ñi nga xamne ñoy doon ñom ñone sama ak mayena ko lool du bel han non ki ko dul may moy ki doon ne ki ñi doon ki ki non mais non amna droit may ko bimi dundou amna droit may ko bimi dundou lan mais ñeneen ñi mënuñu ko déssal lool sama alal la buma neexi kuma neex la koy may may amna pourcentage ni may ni nga la may alal man nima neexé ni buma neexé ni luma am mais ma may ko kuma neex amul benn pourcentage amul suma neex rek sama alal lepp buma neexé ma may lepp amé bi buhari bi beug de mu leer ko ni mi ngi and voilà lool moy problème bi nak ha fini téré moy bu démé bay waga dé mu nga xamanténi jamono ji mi ngi ci lalu déw woy fièvre bi médecin yi nénañ do jogati nangam nangam mu daal di jël alal di may ko kenn lool lañuy bañ lool nak ko nak lañ fofu la mënul mayé lu ëpp un tiers alalam mënu ko ba para munul may tamit ko xamantene day don lo tax sayyidna abubakar radhiyallahu anhu dal ne sayyidna ashada keur gama la waxon ne manam tere bob mala joxon tere bob dama koy jelat parce que momato ko legui parce que kom koy bo don tambali won ko xam nga su don commencer nako liguey ni bu boba mo koy mom motax kumu ne am man na jël ben keur voilà parce que tamit lool damay am moy nit ko xamantene da nan par exemple man amna samay dom amna par exemple fukki dom fukki gis na ni neuf yep ñom ñep mag nañ ki xalé la mom amagul dara nangam nangam l'avenir est incertain pour mom ma may ko keur koku ku ne sañ nako lool amul ben problème mais lool amul problème li am problème moy mu dem ba waja de dal koy jël may ko ko par contre lool lañu téré mi ngi melni rek ku dem bay waja de fa sa jabar bi dem bamou leer xol ni ñu tool mi ngi waja de mu dal di fa sa jabar bi koku jabar bi day doon malgré tout même bu dem passé da ko day doon ani dem ba ci santay mo am benen pass am ay do ni daw jël sen ala yeb jox ko non pa yeb non xara xam nga dafa am yo xamantene nit su ko defé dañuy gis né li injustice la bo xamantene day waral ñu mabal acte bi parce que li ngay wax ni yeb mom moy waji mom day waji dé rek ben la parce que li ngay wax ni lool la moy waji day waji dé rek alors que tay bu fekk dal non si yow li ngay wax ni lool la non dede lool xam nga lool mom da ngay gis ni amul droit bi lool du mu nek li mu nek mom moy ni mu nekke manam moy nga xamantene comme par exemple cas de figure bobu day may kenn ku ci nek parce que xam nga ben affaire dafa amna moy jabari tamit da nga len wara yamale bobu ñu wara yamale jabari ak doom yi aussi hein ak doom yi yamale giñ len wara yamale mo wara yobbe mbir mom manam mo wara moy tax ba do mu maye nonu alal di lima mën maye manam tay par exemple buma gisé ben ah ki day def na kenn ci doomi nangam nangam wala ma ñeu par exemple parce que par exemple dafay par exemple fimi liggéeyé wala fimi jangi ñi lay sori nangam nangam ma jëndul ko auto mën na ko jëndul auto parce que ñi soxla wu auto